Chapitre 18 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Les trois crimes d'Arsène Lupin. Section 1. Ce fut dans le cerveau de Lupin comme un ouragan, un cyclone, où les fracas du tonnerre, les bourrasques de vent, des rafales d'éléments éperdus se déchaînèrent tumultueusement dans une nuit de chaos. Et de grands éclairs fouettaient l'ombre. Et à la lueur fulgurante de ces éclairs, Lupin, effaré, secoué de frissons, convulsé d'horreur, Lupin voyait et tâchait de comprendre. Il ne bougeait pas, cramponné à la gorge de l'ennemi, comme si ses doigts raidis ne pouvaient plus desserrer leur étreinte. D'ailleurs, bien qu'il sût maintenant, il n'avait pour ainsi dire pas l'impression exacte que ce fut Dolorès. C'était encore l'homme noir, Louis de Malrèche, la bête immonde des ténèbres. Et cette bête, il la tenait, et il ne la lâcherait pas. Mais la vérité se revêt à l'assaut de son esprit et de sa conscience, et, vaincu, torturé d'angoisse, il murmura « Oh, Dolorès, Dolorès !» Tout de suite, il vit l'excuse, la folie. Elle était folle, la sœur d'Altanaem et d'Isilda, la fille des derniers Malrèches, de la mère démente et du père ivrogne. Elle-même était folle, folle étrange. Folle avait toute l'apparence de la raison, mais folle cependant, déséquilibrée, malade, hors nature, vraiment monstrueuse. En toute certitude, il comprit cela. C'était la folie du crime. Sous l'obsession d'un but vers lequel elle marchait automatiquement, elle tuait, avide de sang, inconsciente et infernale. Elle tuait parce qu'elle voulait quelque chose, elle tuait pour se défendre, elle tuait pour cacher qu'elle avait tué. Mais elle tuait aussi, et surtout, pour tuer. Le meurtre satisfaisait en elle des appétits soudains et irrésistibles. À certaines secondes de sa vie, dans certaines circonstances, en face de tel être, devenu subitement l'adversaire, il fallait que son bras frappât. Et elle frappait, ivre de rage, férocement, frénétiquement, folle étrange, irresponsable de ses meurtres et cependant si lucide dans son aveuglement, si logique dans son désordre, si intelligente dans son absurdité. Quelle adresse! Quelle persévérance, quelle combinaison à la fois détestable et admirable. Et Lupin, en une vision rapide, avec une acuité prodigieuse de regard, voyait la longue série des aventures sanglantes et devinait les chemins mystérieux que Dolorès avait suivis. Il la voyait, obsédée et possédée par le projet de son mari, projet qu'elle ne devait évidemment connaître qu'en partie. Il la voyait cherchant, elle aussi, ce Pierre-le-Duc que son mari poursuivait, et le cherchant pour l'épouser et pour retourner, reine, en ce petit royaume de Veldance, d'où ses parents avaient été ignominieusement chassés. Et il la voyait au Palace Hôtel, dans la chambre de son frère Altanaem, alors qu'on la supposait à Monte-Carlo. Il la voyait durant des jours qui épiait son mari, frôlant les murs mêlés aux ténèbres, indistincte et inaperçue en son déguisement d'ombre. Et une nuit, elle trouvait M. Kesselbach enchaîné, et elle frappait. Et le matin, sur le point d'être dénoncée par le valet de chambre, elle frappait. Et une heure plus tard, sur le point d'être dénoncée par Chapman, elle l'entraînait dans la chambre de son frère et le frappait. Tout cela sans pitié, sauvagement, avec une habileté diabolique. Et avec la même habileté, elle communiquait par téléphone avec ses deux femmes de chambre, Gertrude et Suzanne, qui, toutes deux, venaient d'arriver de Monte-Carlo, où l'une d'elles avait tenu le rôle de sa maîtresse. Et Dolorès, reprenant ses vêtements féminins, rejetant la perruque blonde qui la rendait méconnaissable, descendait au rez-de-chaussée, rejoignait Gertrude au moment où celle-ci pénétrait dans l'hôtel, et elle affectait d'arriver elle aussi, ignorante encore du malheur qui l'attendait. Comédienne incomparable, elle jouait l'épouse dont l'existence est brisée. On la plaignait, on pleurait sur elle. Qui l'eût soupçonné? Et alors commençait la guerre avec lui, Lupin. Cette guerre barbare, cette guerre inouïe qu'elle soutint tour à tour contre Monsieur Lenormand et contre le prince Cernine. La journée, sur sa chaise longue, malade et défaillante, mais la nuit, debout, courant par les chemins, infatigable et terrifiante. Et c'étaient les combinaisons infernales, Gertrude et Suzanne, complices épouvantées et domptées, l'une et l'autre lui servant d'émissaire, se déguisant comme elle, peut-être, ainsi que le jour où le vieux Stenveil avait été enlevé par le baron Altanaem, en plein palais de justice. Et c'était la série des crimes. C'était Gourel, noyé. C'était Altanaem, son frère, poignardé. Oh, la lutte implacable dans les souterrains de la villa des Glycines. le travail invisible du monstre dans l'obscurité, comme tout cela apparaissait clairement aujourd'hui. Et c'était elle qui lui enlevait son masque de prince, elle qui le dénonçait, elle qui le jetait en prison, elle qui déjouait tous ses plans, dépensant des millions pour gagner la bataille. Et puis, les événements se précipitaient. Suzanne et Gertrude disparues, mortes sans doute, Steinweg assassinée, Isilda, la sœur, assassinée. Oh, l'ignominie, l'horreur, balbutia Lupin en un sursaut de répugnance et de haine. Il l'exécrait, l'abominable créature. Il eût voulu l'écraser, la détruire. Et c'était une chose stupéfiante que ces deux êtres accrochés l'un à l'autre, gisant immobiles dans la pâleur de l'aube qui commençait à se mêler aux ombres de la nuit. Dolorès, Dolorès, murmura-t-il avec désespoir. Il bondit en arrière, pantelant de terreur les yeux hagards. Quoi ? Qu'y avait-il ? Qu'était-ce que cette ignoble impression de froid qui glaçait ses mains ? Octave ! Octave ! Cria-t-il sans se rappeler l'absence du chauffeur. Du secours ! Il lui fallait du secours ! Quelqu'un qui le rassura et l'assista ! Il grelottait de peur. Oh ! Ce froid de la mort qu'il avait senti ! Était-ce possible ? Alors, pendant ces quelques minutes tragiques, il avait de ses doigts crispés. Violemment, il se contraignit à regarder. Dolorès ne bougeait pas. Il se précipita à genoux et la tira contre lui. Elle était morte. Il resta quelques instants dans un engourdissement où sa douleur paraissait se dissoudre. Il ne souffrait plus. Il n'avait plus ni fureur, ni haine, ni sentiment d'aucune espèce, rien qu'un abattement stupide, la sensation d'un homme qui a reçu un coup de massue et qui ne sait s'il vit encore, s'il pense ou s'il n'est pas le jouet d'un cauchemar. Cependant, il lui semblait que quelque chose de juste venait de se passer. Et il n'eut pas une seconde l'idée que c'était lui qui avait tué. Non, ce n'était pas lui. C'était en dehors de lui et de sa volonté. C'était le destin, l'inflexible destin qui avait accompli l'œuvre d'équité en supprimant la bête nuisible. Dehors, des oiseaux chantèrent. La vie s'animait sous les vieux arbres que le printemps s'apprêtait à fleurir. Et Lupin, s'éveillant de sa torpeur, sentit peu à peu sourdre en lui une indéfinissable et absurde compassion pour la misérable femme. Odieuse, certes, abjecte et 20 fois criminelle, mais si jeune encore et qui n'était plus. Et il songea aux tortures qu'elle avait dû subir en ces moments de lucidité, lorsque, la raison lui revenant, l'innommable folle avait la vision sinistre de ses actes. « Protégez-moi, je suis si malheureuse » suppliait-elle. C'était contre elle-même qu'elle demandait qu'on la protégeât, contre ses instincts de fauve, contre le monstre qui habitait en elle et qui la forçait à tuer, à toujours tuer. « Toujours ?» se dit Lupin. Et il se rappelait le soir de l'avant-veille où, dressé au-dessus de lui, le poignard levé sur l'ennemi qui, depuis des mois, la harcelait, sur l'ennemi infatigable qui l'avait acculé à tous les forfaits, il se rappelait que, ce soir-là, elle n'avait pas tué. C'était facile, cependant. L'ennemi gisait inerte et impuissant. D'un coup, la lutte implacable se terminait. Non, elle n'avait pas tué, soumise elle aussi à des sentiments plus forts que sa cruauté, à des sentiments obscurs de sympathie et d'admiration pour celui qui l'avait si souvent dominée. Non, elle n'avait pas tué cette fois-là. Et voici que par un retour vraiment effarant du destin, voilà que c'était lui qui la tuait. « J'ai tué, » pensait-il en frémissant des pieds à la tête. « Mes mains ont supprimé un être vivant, et cet être c'est Dolorès, Dolorès, Dolorès !» Il ne cessait de répéter son nom de douleur, et il ne cessait de la regarder. Triste chose inanimée, inoffensive maintenant. Pauvre loque de chair, sans plus de conscience qu'un petit tas de feuilles, ou qu'un petit oiseau égorgé au bord de la route. Oh ! Comment aurait-il pu ne point tressaillir de compassion, puisque, l'un en face de l'autre, il était le meurtrier, lui, et qu'elle n'était plus, elle, que la victime. Dolorès ! Dolorès ! Dolorès ! Le grand jour le surprit, assis près de la morte, se souvenant et songeant, tandis que ses lèvres articulaient de temps à autre les syllabes désolées. Dolorès, Dolorès. Il fallait agir pourtant, et, dans la débâcle de ses idées, il ne savait plus en quel sens il fallait agir, ni par quel acte commencer. Fermons-lui les yeux d'abord, se dit-il. Tout vide, empli de néant, ils avaient encore les beaux yeux dorés, cette douceur mélancolique qui leur donnait tant de charme. Était-ce possible que ces yeux-là eussent été les yeux du monstre ? Malgré lui, et en face même de l'implacable réalité, Lupin ne pouvait encore confondre en un seul personnage les deux êtres dont les images étaient si distinctes au fond de sa pensée. Rapidement, il s'inclina vers elle. baissa les longues paupières soyeuses et recouvrit d'un voile la pauvre figure convulsée. Alors il lui sembla que Dolorès devenait plus lointaine et que l'homme noir, cette fois, était bien là, à côté de lui, en ses habits sombres, en son déguisement d'assassin. Il osa le toucher et palpa ses vêtements. Dans une poche intérieure, il y avait deux portefeuilles. Il prit l'un d'eux et l'ouvrit. Il trouva d'abord une lettre signée de Steinweg, le vieil Allemand. Elle contenait ces lignes. « Si je meurs avant d'avoir pu révéler le terrible secret, que l'on sache ceci. L'assassin de mon ami Kesselbach est sa femme. De son vrai nom, Dolorès de Malrèche, sœur d'Altenheim et sœur d'Isilda. Les initiales L et M se rapportent à elle. Jamais dans l'intimité, Kesselbach n'appelait sa femme Dolorès, qui est un nom de douleur et de deuil, mais Laetitia, qui veut dire joie. L et M, Laetitia de Malrèche. Telles étaient les initiales inscrites sur tous les cadeaux qu'il lui donnait. Par exemple sur le porte-cigarette, trouvé au Palace Hotel, et qui appartenait à Madame Kesselbach. Elle avait contracté, en voyage, l'habitude de fumer. Laetitia. Elle fut bien en effet sa joie pendant 4 ans. 4 ans de mensonges et d'hypocrisie, où elle préparait la mort de celui qui l'aimait avec tant de bonté et de confiance. Peut-être aurais-je dû parler tout de suite. Je n'en ai pas eu le courage, en souvenir de mon vieil ami Kesselbach dont elle portait le nom. Et puis, j'avais peur. Le jour où je l'ai démasqué au palais de justice, j'avais lu dans ses yeux mon arrêt de mort. Ma faiblesse me sauvera-t-elle ? Lui aussi, pensa Lupin, lui aussi elle l'a tué. Et parbleu, il savait trop de choses. Les initiales, ce nom de Laetitia, l'habitude secrète de fumer, et il se rappela la nuit dernière cette odeur de tabac dans la chambre. Il continua l'inspection du premier portefeuille. Il y avait des bouts de lettres, en langage chiffré, remis sans doute à Dolorès par ses complices au cours de leur ténébreuse rencontre. Il y avait aussi des adresses sur des morceaux de papier, adresses de couturière ou de modiste, mais adresses de bouge aussi, et d'hôtel borgne. Et des noms aussi, 20, 30 noms. Des noms bizarres, Hector le boucher, Armand de Grenelle, le malade. Mais une photographie attira l'attention de Lupin. Il la regarda. Et tout de suite, comme mu par un ressort, lâchant le portefeuille, il se rua hors de la chambre, hors du pavillon, et s'élança dans le parc. Il avait reconnu le portrait de Louis de Malrèche, prisonnier à la santé. Et seulement alors, seulement à cette minute précise, il se souvenait. L'exécution devait avoir lieu le lendemain. Et puisque l'homme noir, puisque l'assassin n'était autre que Dolorès, Louis de Malrèche s'appelait bien réellement Léon Masqué. Et il était innocent. Innocent ? Mais les preuves trouvées chez lui, les lettres de l'empereur et tout, tout ce qu'il accusait indéniablement, toutes ces preuves irréfragables. Lupin s'arrêta une seconde, la tête en feu. « Oh » s'écria-t-il, « je deviens fou, moi aussi. Voyons, pourtant, il faut agir. C'est demain qu'on l'exécute. Demain, demain au petit jour. » Il tira sa montre. « 10 heures. Combien de temps me faut-il pour être à Paris ? Voilà, j'y serai tantôt, oui, tantôt j'y serai, il le faut. Et dès ce soir, je prends les mesures pour empêcher. Mais quelles mesures ? Comment prouver l'innocence ? Comment empêcher l'exécution ? Et qu'importe, je verrai bien une fois là-bas. Est-ce que je ne m'appelle pas Lupin ? Allons toujours. » Il repartit en courant, entra dans le château et appela. « Pierre, vous avez vu Monsieur Pierre le Duc ? Ah, te voilà, écoute. » Il l'entraîna à l'écart et d'une voix saccadée, impérieuse. « Écoute, Dolorès n'est plus là. Oui, un voyage urgent. Elle s'est mise en route cette nuit dans mon auto. Moi, je pars aussi. Tais-toi donc, pas un mot. Une seconde perdue, c'est irréparable. Toi, tu vas renvoyer tous les domestiques. Sans explication, voilà de l'argent. D'ici une demi-heure, il faut que le château soit vide. » Et que personne n'y rentre jusqu'à mon retour. Toi non plus, tu entends. Je t'interdis d'y rentrer, je t'expliquerai cela, des raisons graves. Tiens, emporte la clé. Tu m'attendras au village. » Et de nouveau, il s'élança. 10 minutes après, il retrouvait Octave. Il sauta dans son auto. « Paris, dit-il. » Section 2. Le voyage fut une véritable course à la mort. Lupin, jugeant qu'Octave ne conduisait pas assez vite, avait pris le volant, et c'était une allure désordonnée et vertigineuse. Sur les routes, à travers les villages, dans les rues populeuses des villes, ils marchèrent à 100 kilomètres à l'heure. Des gens frôlaient et hurlaient de rage. Le bolide était loin. Il avait disparu. « Patron !» balbutia Octave, livide. « Nous allons y rester. »« Toi, peut-être. L'auto, peut-être, mais moi, j'arriverai !» disait Lupin. Il avait la sensation que ce n'était pas la voiture qui le transportait, mais lui qui transportait la voiture, et qu'il trouait l'espace par ses propres forces, par sa propre volonté. Alors, quel miracle aurait pu faire qu'il n'arrivât point, puisque ses forces étaient inépuisables et que sa volonté n'avait pas de limite. « J'arriverai parce qu'il faut que j'arrive, » répétait-il. et il songeait à l'homme qui allait mourir s'il n'arrivait pas à temps pour le sauver, au mystérieux Louis de Malrèche, si déconcertant avec son silence obstiné et son visage hermétique. Et dans le tumulte de la route, sous les arbres dont les branches faisaient un bruit de vagues furieuses, parmi le bourdonnement de ses idées tout de même, Lupin s'efforçait d'établir une hypothèse. Et l'hypothèse se précisait peu à peu, logique, invraisemblable, certaine, se disait-il, maintenant qu'il connaissait l'affreuse vérité sur Dolorès, et qu'il entrevoyait toutes les ressources et tous les desseins odieux de cet esprit détraqué. Et oui, c'est elle qui a préparé contre Malrèche la plus épouvantable des machinations. Que voulait-elle ? Épouser Pierre-le-Duc, dont elle s'était fait aimer, et devenir la souveraine du petit royaume d'où elle avait été bannie. Le but était accessible, à la portée de sa main. Un seul obstacle, moi qui depuis des semaines et des semaines, inlassablement lui barrais la route. Moi qu'elle retrouvait après chaque crime. Moi dont elle redoutait la clairvoyance. Moi qui ne désarmerais pas avant d'avoir découvert le coupable, et d'avoir retrouvé les lettres volées à l'empereur. Eh bien, puisqu'il me fallait un coupable, le coupable ce serait Louis de Malrèche, ou plutôt Léon Masqué. Qu'est-ce que ce Léon Masqué ? L'a-t-elle connu avant son mariage ? L'a-t-elle aimé ? C'est probable, mais sans doute ne le saura-t-on jamais. Ce qui est certain, c'est qu'elle aura été frappée par la ressemblance de taille et d'allure qu'elle-même pouvait obtenir avec Léon Masqué, en s'habillant comme lui de vêtements noirs et en s'affublant d'une perruque blonde. C'est qu'elle aura observé la vie bizarre de cet homme solitaire, ses courses nocturnes, sa façon de marcher dans les rues et de dépister ceux qui pourraient le suivre. Et c'est en conséquence de ces remarques, et en prévision d'une éventualité possible, qu'elle aura conseillé à M. Kesselbach de gratter sur les registres de l'état civil le nom de Dolorès et de le remplacer par le nom de Louis, afin que les initiales fussent justement celles de Léon Masqué. Le moment vient d'agir et voilà qu'elle ourdit son complot. Et voilà qu'elle l'exécute. Léon Masqué habite la rue de Lesmans. Elle ordonne à ses complices de s'établir dans la rue parallèle. Et c'est elle-même qui m'indique l'adresse du maître d'hôtel Dominique et me met sur la piste des sept bandits, sachant parfaitement que, une fois sur la piste, j'irai jusqu'au bout. C'est-à-dire au-delà des sept bandits jusqu'à leur chef, jusqu'à l'individu qui les surveille et les dirige, jusqu'à l'homme noir, jusqu'à Léon Masqué, jusqu'à Louis de Malrèche. Et de fait, j'arrive d'abord aux sept bandits. Et alors, que se passera-t-il ? Ou bien je serai vaincu, ou bien nous nous détruirons tous les uns les autres, comme elle a dû l'espérer le soir de la rue des Vignes. Et dans ces deux cas, Dolorès est débarrassé de moi. Mais il advient ceci. C'est moi qui capture les sept bandits. Dolorès s'enfuit de la rue des Vignes. Je la retrouve dans la remise du brocanteur. Elle me dirige vers Léon Masqué, c'est-à-dire vers Louis de Malrèche. Je découvre auprès de lui les lettres de l'empereur qu'elle-même y a placées. Et je le livre à la justice. Et je dénonce la communication secrète qu'elle-même a fait ouvrir entre les deux remises. Et je donne toutes les preuves qu'elle-même a préparées. Et je montre par des documents qu'elle-même a maquillés que Léon Masqué a volé l'état civil de Léon Masqué et qu'il s'appelle réellement Louis de Malrèche. Et Louis de Malrèche mourra. Et Dolorès de Malrèche, triomphante, enfin, à l'abri de tout soupçon puisque le coupable est découvert, affranchie de son passé d'infamie et de crime, son mari mort, son frère mort, sa sœur morte, ses deux servantes mortes, Steinweg mort, délivrée par moi de ses complices que je jette tout ficelé entre les mains de Weber, délivrée d'elle-même enfin par moi, qui fait monter à l'échafaud l'innocent qu'elle substitue à elle-même, Dolorès victorieuse, riche à millions, aimée de Pierre-le-Duc, Dolorès sera reine. Ah ! S'écria Lupin hors de lui, cet homme ne mourra pas, je le jure sur ma tête, il ne mourra pas. Attention, patron ! Dit Octave, effaré, nous approchons, c'est la banlieue, les faubourgs. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Mais nous allons culbuter, puis les pavés glissent, on dérape. Tant pis, attention là-bas ! Quoi ? Un tramway, au virage, qui s'arrête ! Ralentissez, patron ! Jamais ! Mais nous sommes fichus, on passera ! On ne passera pas, si ! Ah, nom d'un chien ! Un fracas, des exclamations. La voiture avait accroché le tramway, puis, repoussée contre une palissade, avait démoli 10 mètres de planche, et finalement s'était écrasée contre l'angle d'un talus. Chauffeur ! Vous êtes libre ? C'était Lupin, aplati sur l'arbre du talus qui hélait à tête si haute. Il se releva, vit sa voiture brisée, des gens qui s'empressaient autour d'Octave, et sauta dans l'auto de louage. Au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, 20 francs de pourboire ! Et, s'installant au fond du fiacre, il en prit. Ah non, il ne mourra pas, non, mille fois non, je n'aurai pas ça sur la conscience. C'est assez d'avoir été le jouet de cette femme, et d'être tombé dans le panneau comme un collégien. Halte là, plus de gaffe ! J'ai fait prendre ce malheureux, je l'ai fait condamner à mort, je l'ai mené au pied même de l'échafaud. Mais il n'y montera pas. Ça, non, S'il les montait, je n'aurais plus qu'à me fiche une balle dans la tête. » On approchait de la barrière. Il se pencha. « 20 francs de plus, chauffeur, si tu ne t'arrêtes pas !» Et il cria devant l'autre trois. « Service de la sûreté !» On passa. « Mais ne ralentis pas, crible !» hurla Lupin. « Plus vite, encore plus vite !»« Tu as peur d'écharper les vieilles femmes ? Écrase les dons, je paie les frais !» En quelques minutes, ils arrivaient au ministère de la place Beauvau. Lupin franchit la cour en hâte et monta les marches de l'escalier d'honneur. L'antichambre était pleine de monde. Il inscrivit sur une feuille de papier « Prince Cernine » et, poussant un huissier dans un coin, il lui dit « C'est moi, Lupin, tu me reconnais, n'est-ce pas ? Je t'ai procuré cette place, une bonne retraite, hein ? Seulement, tu vas m'introduire tout de suite, va, passe mon nom. Je ne te demande que ça, le président te remerciera, tu peux en être sûr, moi aussi. Mais marche donc, idiot, Valanglais m'attend. » 10 secondes après, Valanglais lui-même passait la tête au seuil de son bureau et prononçait « Faites entrer le prince !» Lupin se précipita, ferma vivement la porte et coupant la parole au président. « Non, pas de phrase. Vous ne pouvez pas m'arrêter, ce serait vous perdre et compromettre l'empereur. Non, il ne s'agit pas de ça. Voilà, Malrèche est innocent. J'ai découvert le vrai coupable. C'est Dolorès qui est seule bas, qu'elle est morte. Son cadavre est là-bas, j'ai des preuves irrécusables. Le doute n'est pas possible, c'est elle. » Il s'interrompit. Valanglais ne paraissait pas comprendre. « Mais voyons, monsieur le président, il faut sauver Malrèche. Pensez donc, une erreur judiciaire, la tête d'un innocent qui tombe, dans des désordres. Un supplément d'information, est-ce que je sais, mais vite, le temps presse. » Valanglais le regarda attentivement, puis s'approcha d'une table, prit un journal et le lut en dit, en soulignant du doigt un article. Lupin jeta les yeux sur le titre et lut. L'exécution du monstre. Ce matin, Louis de Malrèche a subi le dernier supplice. Il n'acheva pas. Assommé, anéanti, il s'écroula dans un fauteuil avec un gémissement de désespoir. Combien de temps resta-t-il ainsi ? Quand il se retrouva dehors, il n'en aurait su rien dire. Il se souvenait d'un grand silence, puis il revoyait Valanglais, incliné sur lui et l'aspergeant d'eau froide. Et il se rappelait surtout la voix sourde du président, qui chuchotait. « Écoutez, il ne faut rien dire de cela, n'est-ce pas ? Innocent, ça se peut, je ne dis pas le contraire. Mais à quoi bonne révélation ? Un scandale ? Une erreur judiciaire peut avoir de grosses conséquences, est-ce bien la peine ? Une réhabilitation ? Pourquoi faire ? Il n'a même pas été condamné sous son nom. C'est le nom de Malrèche qui est voué à l'exécration publique. Précisément le nom de la coupable. Alors ? » Et poussant peu à peu Lupin vers la porte, il lui avait dit « Allez, retournez là-bas, faites disparaître le cadavre. Et qu'il n'y ait pas de trace, hein ? Pas la moindre trace de toute cette histoire, je compte sur vous, n'est-ce pas ?» Et Lupin retournait là-bas. Il y retournait comme un automate, parce qu'on lui avait ordonné d'agir ainsi et qu'il n'avait plus de volonté par lui-même. Des heures, il attendit la gare. Machinalement, il mangea, prit son billet et s'installa dans un compartiment. Il dormit mal, la tête brûlante, avec des cauchemars et avec des intervalles d'éveil confus où il cherchait à comprendre pourquoi Massier ne s'était pas défendu. C'était un fou, sûrement, un demi-fou. Il l'a connue autrefois et elle a empoisonné sa vie. Elle l'a détraqué, alors autant mourir. Pourquoi se défendre ? L'explication ne le satisfaisait qu'à moitié, et il se promettait bien, un jour ou l'autre, d'éclaircir cette énigme et de savoir le rôle exact que Masquier avait tenu dans l'existence de Dolorès. Mais qu'importait pour l'instant ? Un seul fait apparaissait nettement, la folie de Masquier. Et il se répétait avec obstination. C'était un fou. Ce Masquier était certainement fou. D'ailleurs, tous ces Masquiers, une famille de fous. Il délirait en brouillant les noms, le cerveau affaibli. Mais, en descendant à la gare de Bruggen, il eut au grand air frais du matin un sursaut de conscience. Brusquement, les choses prenaient un autre aspect, et il s'écria « Eh, tant pis après tout, il n'avait qu'à protester. Je ne suis responsable de rien, c'est lui qui s'est suicidé. Ce n'est qu'un comparse dans l'aventure, il succombe, je le regrette, mais quoi ?» Le besoin d'agir l'enivrait de nouveau. Et bien que blessé, torturé par ce crime dont il se savait malgré tout l'auteur, il regardait cependant vers l'avenir. « Ce sont les accidents de la guerre, n'y pensons pas. Rien n'est perdu, au contraire. » Dolorès était l'écueil, puisque Pierre le Duc l'aimait. Dolorès est morte. Donc, Pierre le Duc m'appartient. Et il épousera Geneviève, comme je l'ai décidé. Et il régnera, et je serai le maître. Et l'Europe, l'Europe est à moi. » Il s'exaltait, rasséneré, plein d'une confiance subite, tout fiévreux, gesticulant sur la route, faisant des moulinets avec une épée imaginaire, l'épée du chef qui veut, qui ordonne et qui triomphe. « Lupin, tu seras roi. Tu seras roi, Arsène Lupin. » Au village de Bruggen, il s'informa et apprit que Pierre le Duc avait déjeuné la veille à l'auberge. Depuis, on ne l'avait pas vu. « Comment ?» dit Lupin. « Il n'a pas couché ?»« Non. Mais